Paris pour me. C'est pour ma mère que je veux la belle zone. Ça charbonne, c'est quand je plein de. Ça charbonne, c'est que de l'oseille, homie, laisse tomber. Le rap game dernier de mes pleins problèmes. Bientôt l'heure d'acheter la Lex Rolex. J'ai grandi dans la haisse, homie. C'est pour ma mère que je veux la belle zombie. Le rap game dernier de mes pleins pro. Ma life un compte de faits divers gros. La rage de vin fait que je les baisse trop. Personne les croit même sur de la dancehall. Ces escrocs, j'peux vendre des bouches en lettres aux gens douceur ce mec. De mon fucking cerveau, douceur ce texte. Survivant comme Ken Gros, j'suis chaud comme un let's go. J'écrase sur le tempo vide, mes dix coups dans son berge. Changement de flow toujours premier. Chaque la compétition va mieux. Les beaux victimes de sodomie. Semblant comme la sauce bolognaise. Hashtag faut des gros. La plage veut la première. J'partage le partage pour la mafia parce que j'ai connu. Grandi dans la haine, soumé. C'est pour ma mère que je veux la belle zombie. Ça charbonne sec pendant que j'plaine, homie. Ça charbonne sec pour de l'oseille, homie, laisse tomber. Le rap game dernier de mes pleins problèmes. Bientôt l'heure d'acheter la Lex Rolex. J'ai grandi dans la haine, soumé. C'est pour ma mère que je veux la belle zombie. Laisse tomber. Je les vois au loin dans le rétroviseur en train de s'estomper. Freebase 3 provoqua l'effet escompté. Que tu le veuilles ou non, bouffon, oui, je baisse ton gré. La lumière fuse comme un uppercut qui les fait sombrer. Nous sommes vêtus de manière têtue, biatch, laisse tomber. La lumière fuse comme un uppercut qui les fait sombrer. Nous sommes vêtus de manière têtue, biatch, laisse tomber. Changement de flow comme le premier. Changement de flow comme premier. Les problèmes viennent comme la monnaie. J'investis le second règle au premier. Tu me connais pas, you don't know me. Tu ne connais pas, you don't know me. T'es sur Instagram, nous le macadam. Lève de Manhattan pour te gagner. Grandi dans la haine, sommeille. C'est pour ma mère que je veux la belle zombie. Ça charbonne sec pendant que je plane, homie. Ça charbonne sec pour de l'oseille, homie, laisse tomber. Le rap game dernier de mes pleins problèmes. Bientôt l'heure d'acheter la Lex Rolex. J'ai grandi dans la haine, sommeille.